L'actualité à Nancy et ailleurs. Début aujourd'hui de la 23e édition du Festival international du film de Nancy, notamment cours de la manufacture à Nancy. Pilar, bonjour. Bonjour. Nous allons te retrouver régulièrement tout au long de cette semaine jusqu'au 3 septembre pour nous présenter le programme de cette 23e édition. En quelques mots, ta mission au sein du festival, c'est quoi ? C'est la coordination et la communication. Donc c'est la première journée de cette 23e édition du Festival international du film de Nancy. Et que va-t-il se passer lors de cette première journée ? Il y a différents lieux de Nancy qui accueillent le festival, je crois. Oui, tout à fait. Donc nous commençons à partir de 16h30. On commence le festival au conservatoire avec une sélection de films courts de la grande région. On aura aussi deux documentaires, un documentaire qui sera projeté dans la manufacture, au théâtre de la manufacture, les documentaires LIDA, comme les documentaires Village People qui sera projeté au conservatoire. Ensuite, à 18h30, nous avons à la Galerie 9 le vernissage de l'exposition de Henrika von Davids qui s'appelle Les Quatre Éléments. Donc vous êtes tous conviés à ce vernissage à 18h30, Galerie 9, 9 rue Gustave Simon. Ensuite, nous continuons avec des projections des courts-métrages. Comme cette année, la zone géographique mise à l'honneur, c'est l'Amérique latine. Donc, nous aurons la première série des courts-métrages à l'ISCA à 18h45. À 19h30, comme tous les soirées pendant le festival du 25 août au 12 septembre, nous avons un concert. C'est aujourd'hui le tour des 700 dollars. Pour ceux qui ne connaissent pas, en vrai, comment, c'est lors de nos apéro-concerts, entrée gratuite. Cours de la manufacture. À 21h, nous avons la projection des courts-métrages de notre sélection internationale pour notre compétition, un de nos deux compétitions, donc la sélection internationale numéro 1. À 21h15, nous avons la projection d'une fiction, le film Chick, Goodbye Berlin. Comme aussi, toutes les soirées pendant le festival du 25 août au 12 septembre, nous avons des projections de la cour Dresinski au 9 rue Michel Ney. Et ensuite, à 23h, comme tous les week-ends pendant le festival, c'est-à-dire ce vendredi, demain samedi soir, prochain vendredi, prochain samedi soir, nous avons un after. C'est ce soir avec DJ Pichado, Julio Lozano, un argentin qui mixe des choses assez sympas. Voilà. Bien, déjà plein de choses pour cette première journée, donc du cinéma en plein air pour votre soirée aussi à partir de 21h15, cours de la manufacture. Et ça se prolongera donc puisqu'on nous sommes déjà vendredi. Merci beaucoup Pilar, on se retrouve demain pour la suite du programme du Festival international du film de Nancy. Parfait, avec plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.